J'en avais gros sur la patate, viens pas me parler de tes plans terreux. Pour être en paix, c'est la bataille, faut affronter des grandes terreurs. Des pentes des reufs, non. Carly, fais-moi pas connaître. L'ami ne croit pas qu'on ait pu ses pentes et plans des reufs. Faire tant d'erreurs et tant dérivés. La vie, c'est le temps d'arriver. Les gens terrifiés passent des moments de détente tarifés. Et tant que t'as kiffé ce qu'on fait, les deux seniors, c'est good. Un rap jouissif comme quand t'es sort, t'es cool. Vous en êtes content, non? On est à sec sur nos comptes en banque. Donc on rappe dans un objet contendant. Mais y'en a qu'on tendance à dire de la merde. Et y'a que ça qu'on entend. Des gosses qui sucent, des enfants qu'on 30 ans. Des gros relents qui donnent envie de bégère. Devant ta mine légère, ta vie de mégère. Donne des cœurs vides, mais cherche le véritable dans ton monde virtuel, mec. Le véritable sans le ton conflictuel.